Granny, Mélissa, 65, 57, Boudou. Encore une journée de merde, encore une qui se finit mal. Je vois bien que ça sous mes remparts, que je travaille mal. Mais que veux-tu? Intelligent mais bon à rien. Quand je prends une dole, au lieu de pleurer, ça me fait rien. On avance tous ensemble, le cœur rempli de rage. Si je tournais pas, j'oublie pas, c'est une tragédie. On vit dans une parodie, dans le paradis. Car les bacs plus 7 se mettent même à gratter des radis. Si j'ai le cœur sur la main et la main dans les poches, ça veut bien dire que je ferai tout pour aider mes proches. C'est pour les frères, les sœurs, qu'on rien demander. Qu'on enferme dans des tours, qui peuvent rien demander. Tyrannique, Dar Mélissa, 57, Dar 65. On reconnaît les vrais, ceux qui nous écoutent dans leurs enceintes. Démarre deuxième couplet, un doigt vers le ciel et dans les yeux, toujours cette étincelle. Je remercie les poteaux de rester vrais après tout. Nous le talent c'est que ce qu'on a à prêter. Préjugés et racisme pourrissent la France d'en bas. Minorité étrangère, d'égalité ou de loi. C'est pas la loi qui est mauvaise, c'est ceux qui les appliquent. Jusqu'au rompu et même certains que fuient. Le conflit est réel en Occident ou Orient. Pour être en France, il faudrait mieux s'appeler Laurent. Je te raconte ce que je vois, tout ce que je vis. Car pour eux, on est tous invisibles. J'ai envie de foncer, la peau foncée. Je veux pas renoncer, même si c'est insensé. Car malgré les galères, moi je suis fier d'être français. Je suis fier d'être français, je suis fier d'être français. La jeunesse est en détresse, le cœur de ma tête souffre et tombe dans la haisse. On en a marre de tomber, alors on progresse sans s'écraser. La jeunesse est en détresse, le cœur de ma tête souffre et tombe dans la haisse. On en a marre de tomber, alors on progresse sans s'écraser. Ma vie qui s'écroule, d'un coup y'a tous les souvenirs qui découlent. Mes rires, mes sourires sont refoulés. Combien de jeunes se détruisent, l'alcool et la drogue s'introduisent. Sans mon parfum, c'est le parfum du bitume. Gamant dans les yeux, tu verras l'expression de ma plume. La jeunesse se libère, trop de mauvaises affaires, trop de choses à refaire. Accroché à la chemère, on se décroche la galère et on se rapproche de la misère. Le temps passe trop vite, y'a plus de rêve, tout se précipite. Observe cette génération qui est remplie d'incompréhension, de passion. Faut avancer sans se ramer, réussir, ne jamais reculer. Trop d'adieux, mais où est passé Dieu? Nous sommes seuls en full spell, absence à l'école, la conscience qui s'affole. La jeunesse est en détresse, le cœur de ma tête souffre et tombe dans la haisse. On en a marre de tomber, alors on progresse sans s'écraser. La jeunesse